Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot, J. de Gigore, éditeur, 1913. Examen particulier et quotidien. Il comprend 3 temps et 2 examens de conscience chaque jour. Le premier temps est le matin. Aussitôt qu'on se lève, on doit se proposer de se tenir soigneusement en garde contre le péché ou défaut particulier dont on veut se corriger et se défaire. Note. Le péché ou défaut particulier. La matière de l'examen particulier sera donc les péchés et les défauts ou imperfections quelconques. Tel est l'usage général parmi nous, et il remonte au temps de Saint Ignace. Comme le prouvent les histoires de la compagnie, on peut encore remarquer que toute la matière de l'examen particulier est renfermée dans 3 paroles que prononce le prêtre lorsqu'il offre la Sainte Hostie. Pour mes péchés, pour mes offenses, pour mes négligences sans nombre. Premièrement, les péchés. Tout péché ou faute proprement dite, de pensée, de parole, d'action, ou même d'omission, dans lequel on a coutume de tomber plus souvent. Deuxièmement, les offenses, faute moins proprement dite, ou involontaire, qu'il est aussi difficile à notre faiblesse d'éviter au milieu de tant de périls, qu'au voyageur le plus attentif de ne point heurter souvent malgré lui dans un chemin pénible et raboteux. Cependant le serviteur bon et fidèle, à l'aide de la vigilance chrétienne, et au moyen de l'examen particulier, peut et doit diminuer le nombre de ses offenses. Le Seigneur notre Dieu demande de nous de la sollicitude dans son service, nous dit le prophète. Michée 6, 8. Troisièmement, les négligences. Je n'entends pas ces négligences plus considérables qui vont jusqu'au péché d'omission, mais celles qui se glissent ordinairement dans nos actions, et qui, sans en détruire tout, le mérite, ne laisse pas de les rendre imparfaites et moins agréables à Dieu. Ces négligences sont vraiment sans nombre, soit que nous considérions le défaut de pureté et de force dans l'intention, soit que nous jetions les yeux sur une foule de modes ou circonstances, qui, ajoutées à nos actions, leur donneraient le lustre et la perfection que réclament tout à la fois et la grandeur du Dieu que nous servons, et la mesure des lumières qu'il communique à nos âmes. Nous nous proposerons donc, au moyen de l'examen particulier, premièrement de détruire les péchés, deuxièmement de détruire, ou du moins de diminuer les offenses, troisièmement de détruire, ou du moins de diminuer les négligences, par l'exercice fréquent des vertus qui doivent orner toutes nos actions et embellir toute notre vie. Fin de la note. Le second temps est après le dîner. On commencera par demander à Dieu, notre Seigneur, ce que l'on désire, c'est-à-dire la grâce de se souvenir combien de fois on est tombé dans ce péché ou défaut particulier, et celle de s'en corriger à l'avenir, puis on fera le premier examen, en se demandant à soi-même un compte exact de ce point spécial, sur lequel on a résolu de se corriger et de se réformer. On parcourra donc chacune des heures de la matinée, que l'on peut aussi diviser en certains espaces de temps, selon l'ordre des actions, en commençant depuis le moment du lever jusqu'à celui de l'examen présent. Puis on marquera sur la première ligne autant de points que l'on est tombé de foi dans ce péché ou défaut particulier. Enfin, on prendra de nouveau la résolution de s'amender du premier au second examen. Note. Concernant ce que l'on désire. Saint Ignace se sert souvent de cette expression lorsqu'il nous avertit de faire la demande de la grâce particulière. Il semble vouloir nous recommander par là de penser sérieusement, avant la prière, à ce que nous désirons actuellement obtenir du Seigneur. Cette grâce spéciale consiste essentiellement, quel que soit son objet, en deux points. Premièrement, une lumière qui nous fasse connaître nos chutes et nous en rappelle le souvenir, ce qu'on demande, un secours efficace pour nous en corriger dans la suite. Ce n'est que par un don de la toute-puissance et de la miséricorde du Seigneur que ses fidèles peuvent le louer et le servir dignement. Il faut donc, ainsi que le fait l'Église, dans l'oraison du 12e dimanche après la Pentecôte, lui demander la grâce de ne point rencontrer d'obstacles dans notre course vers les divines promesses. J'en ferai la remarque en terminant cette note, une chose certaine par elle-même, et dont la foi ne nous permet pas de douter, c'est que le plus grand obstacle peut être au fruit solide de l'examen particulier est ordinairement une secrète présomption, ou qui nous reste entièrement cachée, ou qui ne nous est pas clairement connue, par un effet de laquelle nous établissons toute notre confiance dans nos bonnes résolutions et dans nos propres ressources. Or, l'apôtre ne prend-il pas soin de nous avertir que toute notre force vient de Dieu? 2 Corinthiens 3, 5. Note. Concernant certains espaces de temps, littéralement, d'heure en heure, d'un temps à un autre temps, par heure ou par temps, l'examen peut encore se faire avec facilité en parcourant les unes après les autres les actions de tout le temps compris entre les deux examens, sans omettre les intervalles de temps entre les actions. Fin de la note. Le troisième temps est après le souper. On fera le second examen, aussi d'heure en heure, en commençant depuis le premier, puis on marquera sur la seconde ligne autant de points qu'on est tombé de foi dans le péché ou défaut particulier dont on travaille à se corriger. 4 Additions, dont l'observation aidera à se corriger plus promptement du péché ou défaut de l'examen particulier. Première addition, elle consiste, chaque fois que l'on tombe dans le péché ou défaut de l'examen particulier, à porter la main sur la poitrine en s'excitant intérieurement à la douleur, ce que l'on peut faire, même en présence de plusieurs, sans être remarqué. Deuxième addition. Comme la première ligne indique le premier examen, et la seconde le second, on observera le soir, en comparant la première et la seconde ligne, s'il y a amendement du premier au second examen. Troisième addition. Comparer le second jour avec le premier, c'est-à-dire les deux examens du jour présent avec les deux du jour précédent et voir si d'un jour à l'autre on s'est corrigé. Quatrième addition. Comparer également une semaine avec l'autre et voir si, dans la semaine qui vient de s'écouler, le progrès a été plus notable que dans la semaine précédente. Il faut remarquer que les premières lignes, qui sont les plus longues, marquent le dimanche, les secondes, qui sont plus courtes, le lundi, les troisièmes, le mardi, et ainsi de suite. Note. Parce qu'il est juste, ajoute la Vulgate, que le nombre des fautes diminue en effet de jour en jour. Dans le combat spirituel le chapitre 17, de l'ordre qu'il faut garder dans le combat contre les passions et les vices, et le chapitre 16, que, dès le matin le soldat chrétien doit se préparer au combat, et dans la perfection chrétienne de Rodriguez, le traité de l'examen de conscience, l'examen particulier se combine le soir avec l'examen général. Avant midi, on peut se borner aux trois points indiqués par Saint Ignace, mais les personnes qui consacrent un quart d'heure entier à ce premier examen suivent ordinairement les cinq points de l'examen général, et ne laissent pas, tout en insistant sur le péché ou défaut particulier dont elles veulent se corriger, de s'examiner généralement sur toutes les fautes de la matinée.